Bismillahirrahmanirrahim. طيب ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ مستقبل يغير سواء سواء سواء سواء سواء سواء سواء وأخواتها. طيب ما الحكم بغير وسواء وأخواتها أختيها؟ هم أسماء. نعم. الاسم الواقع بعدها ما حكمه؟ مضاف إليه. مضاف إليه. سيتم تمجله. طيب. سيتم تفصيل كلمة إلا. في ماذا؟ في الوجوب النصب وجواز النصب بدل. طبعاً. السو حكم لا lieu sur quoi؟ سمي مستثنى. إذا كان مستثنى. أوكي. يعني. يفهم. Qui? Sawa. Hein? غير Aïwa. T'akulu hadi l'asma, t'akhouz hukm al-mustafna. Naam. Le tafsir qu'on a pris dans notre bab, il s'applique sur ces asma-là. Wa kadhalik, kammalna biyesh? Ba'da hada? Khala. Hada. Khala. Hada. Hada. حشا ايه افعل افعل افعل افعل لازم اكيد سي كده افعل او افجا كيف تعلم هذا كم سيك سان افجا كم سيك سان افعل S'il y a un ism mansoub qui vient derrière, c'est-à-dire c'est un mafoul bi, donc c'est un fi'al. Et s'il y a un ism majrour qui vient derrière, c'est que c'est un harf jar. Naam. Alors, nouasil. Fi. Athamin min al-mansoubat. Al-asma al-mansoubah. Wa huwa ismu la al-nafiya al-jins. La al-nafiya al-jins. C'est-à-dire qui... qui a une négation pour tout un genre. Pour tout un genre, c'est une négation pour tout un genre. Kama sayadhar, inshallah, fil amthila. Yakul musannifu fil ajrumiyya, rahimahullah ta'ala. Babu la, i'alam anna la, tansibu al nakirat bighiri tanwin. Basharat al nakira. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب رفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. Donc là on rentre dans un nouveau bab de mansoubat qui est le isme de la nafia les jins. والآن سيذكر أحكامها. قال في شرح لا النافية للجنس تعرفها هي التي يراد بها نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس الواقع بعدها. Celle qui refuse le khabar de tous les éléments de la nature de ce qui vient après elle, du genre de ce qui vient après elle. مثلا إذا قلت لا رجل في الدار. On traduirait par aucun homme dans la maison. كان المعنى ليس فيها أحد من الرجال. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des hommes. Toute créature sous laquelle on applique le terme homme est exclue du hukm. Et ça, on a fait le jins. Le jins de l'homme. D'accord ? لا رجل في الدار. Il n'y a aucun homme dans la maison. عملها سي كوا سون عمل تعمل لا النافيه للجنس عمل ان هي تعمل عمل ان في المهم travail que ان c'est-à-dire تنصب الاسم وترفع الخبر الاسم de la il est mansoub et son khabar il est marfou Lakin, le ism, le fort qu'il y a, c'est que le ism de la, en fait, il est mabni à la fath fi mahal nasb. Comme dans le mot, on l'a dit, tansibu al-nakirat bi ghayri tanwin. Il n'y a pas de tanouin. On ne dit pas la rajoulan fiddar. On a dit quoi? La rajoula fiddar. Avec une fatha seulement. Donc là, l'ism yakounu mabniyan à la fatha fi mahal nasm. Ism la. Ism la. Yakoul mithaluha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la ahada aghyiru min Allah. لا احد اغير من الله ما معنى اغير c'est le istodil de ghayra qui veut dire ou ghair c'est le istodil de ghair qui vient de ghayra c'est la jalousie que personne n'est plus jaloux que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une sifatihi, elle ghayra. Comme a dit le hadith, inna ghayrat Allah an yatiya abdu et yintahika abdu yani maharima. Que c'est quoi le fait que Allah soit jaloux, c'est le fait que son serviteur enfreigne ses lois, ses limites. Donc, ghayra min sifatillah. D'accord? Allah, il est et ma fi aghyar minhu. Et ça, c'est une sifat qui présente chez l'insan kadhalik. Mais l'arrière d'Allah n'est pas comme celle de la créature. Bien évidemment. Sifatun thabitatun lahu la'iqatun bih. Subhana. Donc c'est quoi l'irlob? La ahada arrière min Allah la nafi li jins harf bamniya la sukun la mahala lahu min l'irlob. Ahada ismuha ismu la mabni ala fath في محل نصب في محل نصب أغير هذا خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهمت لي عرب طيب وطبعا ce harf la nafi al jins et les shurut pour que son travail s'applique ma ya shurutuha awalan an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratayn ayab an yakuna nakiratayn que les deux sont nakira le ism sont nakira et le khabar sont nakira مثلاً dans le mythal qu'on a pris au début La rajula fiddar, là-bas c'est la rajulun. Fiddar. Ou dans le mythal, la ahad arrière min Allah, là-bas c'est la ahadun arrière min Allah. Là-bas c'est les deux sont akira. Hada shart al-awwal. Athani an yakuna ismuha muttasilan biha. Que son ism vient directement après là. Il n'y a rien qui sépare entre les deux. Pas d'interruption entre les deux. ومن أمثلة لا النافية جنس في القرآن الكريم قوله تعالى لا إله إلا الله وقوله لا شريك له لا إله إلا الله طيب نقف في إعراب لا إله إلا الله On a là ce qui a causé beaucoup d'égarement chez beaucoup de gens. Là, la fin jins. Tamam? Mabniya ala sukun la mahallahu min al-i'rab. Ilah ala ism la. Mabni ala fath fi mahall nasb. et illallah, love jalala marfou limada. Parce qu'en fait, là, c'est un badal. Là, on a affaire à quoi comme kalam? Illallah, la ilaha illallah. C'est un tam manfi. À la base, c'est yajouz al-nos ou yajouz al-badal. On a love jalala, il est badal. Badal de quoi? Du khabar mahzouf de la. La ilaha illallah, il est un khabar. Il est où là? On ne le voit pas. Il y a plusieurs taqas à dire. Car à la base, c'est la ilaha illallah bi haqqin ilallah. Donc c'est un jar ou majrour. Cependant, le jar ou majrour, fil haqiqa, on en parlera plus tard, mais là, juste on touche un mot. Comme dans le mutala et khabar, en réalité, ce ne sont pas eux les khabar. Le khabar, il l'a enlevé. Le khabar, c'est, مثلاً, ka'inun, ou mustaqirun. Et le jar majur sont muta'alliqan bi, sont accrochés. Parmi les règles du jar majur qu'on comprendra plus tard, il s'accroche à quelque chose, il ne vient pas tout seul. Et ce muta'alliq bi, c'est lui le khabar. Faut qu'il y ait un sens qui ramène à quoi? À ce que l'adoration ne revienne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, ce khabar, il est marfou', il est marzouf. Donc, Lof Jalala, Allah, son badal. La sharika lah, kazalik. Il est où le khabar de la? C'est, là on a lahu, c'est jar majur. Ils sont accrochés à un khabar qui est marzouf, qui est ka'inun. La sharika lah, ka'inun lah. Mais en vrai, dans la ilaha illallah, on ne peut pas dire ka'inun. Car le sens, ma yastaqim. Par contre, on avait dit si on peut le dire aussi, qu'on dit la ilaha illallah ou la ma'bouda ka'inun bihaq ilallah, qui met adoration en réalité, ce n'est Allah. Yukal. شاهد من هذا ان اسم لا جاء بعد لا اللي بنجي directement après la, il y en a qui montrent les deux, et à la base c'est le nakira, c'est la ilahun, dans l'autre c'est la sharik, c'est la sharikun, mais comme ils sont entrés dans le hukm du amal de la, sont devenus mabni à la fatha. فهمت هذا؟ طيب قال واعلم ان لا متى توفرت فيها هذه الشروط ولم تتكرر وجب إعمالها عمل إن. أما إذا توفرت فيها هذه الشروط وصل ثقف إذا ما توفرت شخص أوه نو نو نو سي لا سويت كي في أبري. أما إذا توفرت في هذه الشروط وتكررت فلا حكم آخر. أشار إليه ابن الأجروم بقوله. Donc si jamais ces شروط sont remplies, c'est-à-dire que ces deux, son ism, son khabar, son akira, et que son ism est directement après elle, on est obligé de faire le travail de inna. Nazb al-ism wa raf al-khabar. Par contre, si jamais ces شروط sont présentes également, mais que la se répète et revient une autre fois encore, là, il y a un autre hukm, comme va citer l'auteur. Qala fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa in shi'ta qulta la rajula fi ad-dar wa la imra'ata. Fa in shi'ta qulta la rajulun fi ad-dar wa la imra'atun. La rajulun fi ad-dar wa la imra'atun. Donc maintenant, si ce la se répète, le cite maintenant dans le charh. ذكر المصنف ان لا النافيه للجنس اذا تكررت فلا حكمان. Il y a deux jugements. احدهما الاعمال, c'est-à-dire on l'a fait travailler son travail d'origine. فتعمل عمل إنا ويكون ما بعدها مفتوحا. Elle fait le travail de Inna. Fal ism ladhi ba'daha, il va être comment? Maftouh. Mabni à la fatha fi mahal nasb. Misaluhu, la rajula fi dar wa la mar'ata. La rajula fi dar wa la mar'ata. Pas d'homme dans la maison, ni de femme. Aucun homme dans la maison, ni de femme. Ni aucune femme, plutôt. Yarabuhu, la rajula, la nafir jims, mabni à la sukun, la mahallahum min yarab. Rajul, ismuha, mabni à la fatah, fi mahal nazb. Wa fi dar, jar, wa majrur, muta'alikan, bi mahzouf khabaruha, qui est kainun. Le khabar, il est enlevé. Même quand on dit, mathalan, autre que dans ce bab-là, on revient au mutala au khabar, on dit, mathalan, zaydun, fi dar. On avait dit zaydun, mutada. Wa fi dar, jar, majrur, khabar. En réalité, le khabar, il est enlevé et c'est ka'inun, ou mustaqirun, un ism fa'il qui a ce sens-là. Car il faut que ce soit un ism. Et fidar, en fait, ils sont accrochés à ce khabar ma'zouf. Même le zarf, takul zaydun indak. Quand on dit zaydun indak, inda, mi'arabuhu, mansoub, maful fi, c'est un zarf. Et le khabar, là-bas, à la base, est marfou. Donc comment ça peut être un zarf mansoub et c'est un khabar? En fait, le khabar, est marfou, c'est ka'inun. Et c'est lui qui a rendu mansoub le zarf par la suite. Et le zarf, il est comme le jar majour, il s'accroche à quelque chose. Ou à un verbe, ou ce qui fait le travail du verbe. Ou à un verbe, ou ce qui fait le travail du verbe. Adi qa'ida, lakin s'natakalim fiya akfar fima ba'an, inshallah. Mais yani bab al tassil al nas, pour faciliter les gens, ils disent zaydun mubtada wa fi dar khabar. Même si tu dis ça, c'est pas faux, mais quelqu'un peut tester pour savoir si vraiment tu connais ou si tu dis ça juste il dit mais le khabar, tu veux dire mahdouf, voilà, c'est que tu as compris. Si jamais tu dis le khabar, tu dis jal majour, dis c'est tout, tu dis non, mais c'est que tu as pas appris en fait. Donc ça c'est le premier exemple. Si jamais elle se répète, là, yajouz irmaluha, de la faire travailler. Wa thani el ilra, on annule son travail. Elle ne travaille pas. Fatakun muhmalatan wa yakunu ma ba'daha marfu'an. Donc elle ne travaille pas, et ce qui vient derrière sera marfu'. Avec le tanwin. كذلك مثاله لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة دونك لا ليعرب لا نفي للجنس رجل ما يعرب رجل سهل مبتدا فقط مبتدا مرفوع علامة الرفع الضمة في الدار جار مجور تبقى دير تيو خبر تبقى دير متعلقا بخبر المحذوف تقديره كائن سي سا الصحيح انا دي فوا شي دي بار باب الاختصار جون ديز جار مجور خبر والظرف خبر اي اون رياليتي لو خبر اللي انلفي كار ان حرف جار اي سون اسم مجرور نو بوف فينير تو سول اي سون اوبليجي اكروشي ا كلكو شوز. Et ce quelque chose, c'est soit un verbe ou soit une chose qui fait le travail du verbe. Comme ism fa'il, ism maf'oul, masdar, ou sifa mushabbaha, ou sifa mubalagha. Les mushtaqat, le masdar. Et fil ghalib, c'est ka'in, car c'est le ism fa'il qui englobe le plus de sens. Ou moustakir. Mathalan, là, tu peux dire la rajulun fi dar, tu peux dire ka'inun fi dar ou moustakirun fi dar. Ça prend un sens similaire. Donc là, rajulun, il est mubtada. Car la n'a pas travaillé. Pourquoi? Car elle s'est répétée. Wa la mar'atun, الواو عاطفة حرف عطف مبني على فتح ولا نافي للجنس مبني على سكون امرأة مبتدأ مرفوع كذلك وخبره محذوف تقديره سي لو ميم خبر كو سكي تي دوفون لو تقدير سي لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار بلا في لا امرأة في الدار ما نسيت با كا لي كومبري لي مفهوم داكور لي مفهوم فهمت هذا؟ Donc là maintenant, la nafi al-jins. Pour qu'on fasse ce travail de inna, il faut que son khabar vienne nakira, et son mutada et son khabar vienne nakira. Et que son ism vienne directement après la. Là, ça nous avait dit la fi dar rajul. Là, tu ne peux pas faire travailler la. Tu vas dire la fi dari rajulun. Je ne peux pas dire Rajula. Pourquoi ? Car le khabar est venu s'interposer entre la et son ism. Il y a eu un fossé entre les deux. Donc là, elle ne travaille pas. Elle ne travaille plus. Et s'il avait été Ma'alifa, je n'ai pas d'exemple avec un Ma'alifa, parce que je ne crois pas que ça y a ce terminé le Ma'ana, elle ne travaille pas non plus. Et on a dit, si jamais ce la se répète, avec ces mêmes shurut-là, يجوز إعمالها la faire travailler ou يجوز إلغاؤها la supprimer son travail يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة يجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة هكذا قد ورد في القرآن الكريم إعمال لا وإلغاؤها. Dans le Coran, des exemples, les deux. Quand tu travailles, quand tu travailles pas. فالإعمال كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Là, c'est répété trois fois. لكن مع هذا تعمل رفث إلى مبني على فتح منصوب فسوق كذلك جدال كذلك وفي الحج خبر ومثال إلغاؤها كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا بيع لا مبتدأ فيه خبر ولا خلة خلة مبتدا وخبر محذوف يعني مست فيه وشفاعه كذلك فهمت هذا طيب بوكا كي تمارين بو voir يقول استخرج اسم لا النافيه وخبرها من الايه التاليه tu extrais اسم لا de ce verset لا علم لنا الا ما علمتنا هنا اسم لا علماء وعلماء علماء لا مقام لكم أين اسم لا فلفوت نعم ثانيا essaie de voir le la ceux qui travaillent la qui ne travaillent pas لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر voilà un exemple avec une معرفة En fait, la shams yanbaghi laha an tudrika al-qamara. Ta'mal ma ta'mal? Limadha? Limadha madhmum? C'est pas la dhamma qui empêche. Justement, la dhamma, c'est le résultat de l'empêchement. Mais la cause, c'est quoi? Ma'rifa, naam. La ikraha fi d-din. Ta'amel, le verset préféré des Ikhwan Muslimin. Nous comptons en religion. On fait ce qu'on veut. La fiha ghaouloun. Ta'amel ou ma ta'amel? Dimada. il y a eu un fossile entre elle et son ism. Et c'est le khabar qui était Mukaddam. Arsanta. Donc en fait, non, je rectifie. Là, avec un ma'alifa, il y a la preuve du Coran, grande hujja, indiscutable. La shamsu yanbaghi laha. فهمت لا نفي الجنس تمام فغدا ان شاء الله سنخوض الاذن والمنادى نعم تاسع ان شاء الله تعالى فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك